1877. Nice, mercredi 17 janvier. Quand donc saurais-je ce que c'est que cet amour dont on parle tant? J'aurais aimé A, mais je le méprise. J'ai aimé le duc de H, étant enfant jusqu'à l'exaltation. Amour dû tout entier à la fortune, au nom, aux extravagances du duc et à une imagination hors ligne. Mardi 23 janvier. Hier soir, j'ai eu une attaque de désespoir qui allait jusqu'au gémissement et qui m'a poussé à noyer dans la mer la pendule de la salle à manger. Dinah m'a couru après, redoutant quelques projets sinistres, mais ce n'était que la pendule. Elle était en bronze, avec un poêle sans Virginie, pêchant la ligne en très gentil chapeau. Dinah vient chez moi. La pendule semble l'amuser fort. J'ai ri aussi. Pauvre pendule. La princesse Ouvaroff est venue chez nous. Dimanche, 1er avril. Je suis comme le chimiste patient et infatigable qui passe des nuits devant ses cornues pour ne pas perdre l'instant attendu et désiré. Il me semble que cela va arriver tous les jours et je pense et j'attends. Et que sais-je? Je m'examine curieusement et avec des yeux ébahis. Je me demande avec anxiété, est-ce que par hasard ce serait cela? Mais je me suis fait une telle opinion de cela que j'en suis arrivé à croire que cela n'existe pas, ou bien que cela a déjà été et que ça n'a rien de fameux. Mais alors toutes mes imaginations et les livres et les poètes. Aurait-il eu l'audace d'inventer quelque chose qui n'existe pas pour en couvrir la saleté naturelle? Non. Autrement, on ne s'expliquerait pas les préférences. Naples, vendredi 6 avril. Le roi Victor Emmanuel est arrivé hier, et ce matin à 10h, il est venu faire une visite au prince de Prusse. Au moment de son arrivée, je me suis trouvé sur l'escalier, et comme il arrivait en face de moi, je dis... « Deux mots, sire, de grâce. Qu'est-ce que vous désirez ?»« Rien absolument, sire, que pouvoir me vanter toute ma vie d'avoir parlé au roi le plus aimable et le meilleur du monde. Vous êtes bien bonne, je vous remercie beaucoup. C'est absolument tout, sire. Je vous remercie bien. Je ne sais comment vous remercier. Vous êtes bien bonne. » Il m'a serré la main gauche avec ses deux mains. Circonstance à la suite de laquelle je me gante pour 8 jours. C'est à cause de mes gants que j'écris comme vous voyez. J'aurai des ongles superbes dans 8 jours. Que dites-vous de moi? Je n'étais pas trop effrayé. En faisant ce que j'ai fait, j'avais tout prévu, excepté moi. À une autre, cette extravagance aurait apporté un tas de choses charmantes. À moi, un tas de désagréments. Je suis voué aux infortunes. Dönhoff est revenu du palais où le prince était rendre la visite du roi. L'aide de camp du roi a dit « Quelle drôle de manière de cette jeune fille de se trouver sur le passage du roi !» Et le prince de Prusse dit au roi que les jeunes filles en Russie sont très exaltées pour la famille royale, qu'elles font des folies pour l'empereur, et qu'elles sont aussi pures que les anges du ciel. Merci, charcutier. Dönhoff a dit un tas de choses. Enfin, il est venu nous rassurer. Après une agitation, une stupeur et une terreur folle, je commence à revenir à moi. Je n'ai jamais de ma vie été si effrayé. En une heure, j'ai vécu 2 années. Comme tout le monde est heureux de n'avoir pas parlé au roi, on se promène. La princesse Marguerite et Humbert sont arrivés. Dönhoff est là, en face de nos fenêtres, avec des messieurs du roi. J'ai ôté les gants. Mardi 29 mai. Plus j'avance vers la vieillesse de ma jeunesse, plus je me recouvre d'indifférence. Peu de choses m'agitaient, tout m'agitait. De sorte qu'en relisant mon passé, j'accorde trop d'importance aux bagatelles en voyant comme elles me faisaient bouillir le sang. La confiance et cette susceptibilité de sentiments qui, comme le duvet du caractère, ont été vite perdues. Je regrette d'autant plus cette fraîcheur de sensation qu'elle ne se retrouve jamais. On est plus calme, mais on ne jouit plus autant. Les déceptions ne devraient pas m'arriver si vite. Si je n'en avais pas, je serais devenu quelque chose de surnaturel, je le sens. Je viens d'avaler un livre qui m'a dégoûté de l'amour. Une charmante princesse amoureuse d'un peintre. Fille, ce n'est pas pour dire une injure au peintre par une bêtise affectée, mais je ne sais, cela jure. J'ai toujours eu des idées aristocratiques et je crois aux races des hommes comme aux races des animaux. Souvent, c'est-à-dire toujours dans le commencement, les races nobles ne devenaient-elles que par suite de l'éducation morale et physique, qui communique ses effets de père en fils, qu'importe la cause. Mardi 7 août. J'ai été m'abrutir au bon marché. qui me plaît comme tout ce qui est bien organisé. On a soupé chez nous, on a ri, j'ai ri aussi, mais c'est égal. Je suis triste, désespéré. Et c'est impossible. Mot affreux, désespérant, horrible, hideux, mourir, mon Dieu, mourir, mourir, sans avoir rien laissé après moi, mourir comme un chien. Comme sont mortes 100 000 femmes dont le nom est à peine gravé sur leur tombe, mourir comme... Folle, folle, qui ne voit pas ce que veut Dieu. Dieu veut que je renonce à tout et me consacre à l'art. Dans 5 ans, je serai encore toute jeune. Peut-être serai-je belle, et belle de ma beauté. Mais si je ne devenais qu'une médiocrité artistique comme il y en a tant... Avec le monde, ce serait bien, mais consacrer sa vie à cela et ne pas réussir. À Paris comme partout, il y a une colonie russe. Ce n'est pas ces mesquines considérations qui m'enragent, mais c'est que, quelque mesquine qu'elle soit, elle me désespère et m'empêche de songer à ma grandeur. Qu'est-ce que la vie sans entourage? Que peut-on faire toute seule? Cela me fait haïr le monde entier, ma famille, me haïr moi-même, blasphémer. Vivre, vivre, Sainte Marie, Mère de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, venez à mon aide. Mais si on se consacre aux arts, il faut aller en Italie, oui, à Rome. Ce mur de granit contre lequel je viens de me briser le front à chaque instant. Je resterai ici. Jeudi 23 août. Je suis à Schlangenbad. Comment et pourquoi? Voici. Parce que je ne sais pas pourquoi je m'ennuie d'être séparé des autres, et puisqu'il faut souffrir, il vaut mieux souffrir ensemble. Ils se sont logés dans une espèce de pension à Schlangenbad, mais comme j'ai plus cassé de la pension de Madame la Baronne, je dis que je veux avoir des chambres au Badehaus. Qui est-ce qu'il y a de mieux ici? Ma tante et moi prenons 2 chambres au Badehaus pour mes bains, c'est commode. Fauvel m'a ordonné le repos, le voici. Seulement je ne me crois pas encore guéri, et dans les choses désagréables, je ne me trompe jamais. Bientôt j'aurai 18 ans. C'est peu pour les personnes qui en ont 35, mais c'est beaucoup pour moi, qui en quelques mois de vie de jeune fille n'a eu que peu de plaisir et beaucoup d'ennuis. L'art. Si je n'avais dans le lointain ces 4 lettres magiques, je serais morte. Mais pour cela on n'a besoin de personne, on ne dépend que de soi. Et si on succombe, c'est qu'on n'est rien et qu'on ne doit plus vivre. L'art. Je me le figure comme une grande lumière là-bas, très loin, et j'oublie tout le reste. Et je marcherai les yeux fixés sur cette lumière. Maintenant, oh non, non, maintenant, mon Dieu, ne m'effrayez pas. Quelque chose d'horrible me dit que... Ah non, je ne l'écrirai pas, et je ne veux plus me porter malheur. Mon Dieu, on essaiera, et si... C'est qu'il n'y aura rien à dire, et que la volonté de Dieu soit faite. J'étais à Schlangenbad, il y a 2 ans. Quelle différence! Alors j'avais toutes les espérances, à présent aucune. L'oncle Étienne est comme alors avec nous, et avec un perroquet comme il y a 2 ans. La même traversée du Rhin, les mêmes vignes, les mêmes ruines, des châteaux, des vieilles tours à légende. Et ici, à Schlangenbad, de ravissants balcons, comme des nids de verdure. Mais ni les ruines, ni les maisonnettes neuves et gentilles ne me charment. Je reconnais le mérite, le charme, la beauté lorsqu'il y a lieu, mais je ne peux rien aimer que là-bas. Et d'ailleurs, qu'y a-t-il dans le monde de comparable? Je ne sais comment dire, mais les poètes l'ont assuré, et les savants l'ont prouvé avant moi. Grâce à l'habitude de porter avec moi un tas de choses inutiles, au bout d'une heure, je suis partout un peu comme chez moi. Mon nécessaire, mes cahiers, ma mandoline, quelques bons gros livres, ma chancellerie et mes portraits. Voilà tout. Mais avec cela, n'importe quelle chambre d'auberge devient convenable. Ce que j'aime le plus, ce sont mes 4 gros dictionnaires rouges, mon petit livre gros vert, un tout petit Dante, un Lamartine moyen et mon portrait. De la grandeur cabinet, peint à l'huile et encadré dans de velours bleu foncé dans une boîte de cuir de Russie. Avec cela, mon bureau est élégant tout de suite. Et les 2 bougies, projetant leur lumière sur ces teintes chaudes et douces à l'œil, me raccommodent presque avec l'Allemagne. Dina est si bonne, si gentille. Je voudrais tant la voir heureuse. En voilà un mot. Quelle vilaine blague que la vie de certaines personnes. Mardi 27 novembre. Monsieur Julien est monté chez nous, un peu démonté, après le jugement de messieurs Robert Fleury, Boulanger et Lefebvre, et nous a tenu à peu près ce discours. Mesdames, ces messieurs n'ont classé que 6 têtes après la médaille, qui était gagnée par Mademoiselle Delsarte, la Française, comme vous le savez déjà. Les autres sont classés tout bonnement pour avoir des places au concours prochain. Et les trois dernières tireront au sort afin sans doute de ménager l'amour-propre de ces dames. Une voix me dit que je tirerai au sort. Ça aurait été tout naturel. J'en suis resté contrarié. Après ce petit discours qui a produit sur tout le monde une impression considérable, il ajouta ces mots. Je ne saurais pas reconnaître à qui sont les têtes. Qu'une de ces dames veuille bien inscrire les noms au fur et à mesure. Première, qui ? Mademoiselle Wick. Deuxième, Mademoiselle Bang. Troisième, Mademoiselle Breslau. Quatrième, Mademoiselle Nordlanda. Cinquième, Mademoiselle Forchhammer. Sixième, c'est Mademoiselle Marie, s'écria la Polonaise. Moi, monsieur ? Oui, mademoiselle, mais c'est ridicule. Je suis dans les six premières. Amélie, Zilhart, la Polonaise sont après moi. Je suis la dernière arrivée à l'atelier, puisque je n'y suis que depuis le 3 octobre. Sapristi ! Tout le monde est venu me féliciter. Mademoiselle Delsart est venue me dire des choses aimables, et sa sœur Marie nous a nommé les deux héroïnes du concours. Ce que vous avez là au bout de si peu de temps est mieux qu'une médaille au bout de 4 ans d'études. Un succès, et quel charmant succès !